quelques immortels, beaucoup doivent mourir. Bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Alors t'es vraiment au courant de rien. On peut pas tous être immortels, où est-ce qu'on mettrait tout ce monde? À quoi servent les ondes temporelles? Pourquoi tu crois que les taxes et les prix augmentent toujours en même temps dans le ghetto? Le coût de la vie continue d'augmenter pour que les gens continuent de mourir. C'est pourquoi certains ont des millions d'années pendant que d'autres survivent au jour le jour. Mais la vérité, c'est qu'il y a assez de temps pour tous. Personne ne devrait mourir avant l'heure. Tu croyais que j'avais touché le fond, je creuse encore l'heure qui est. Hey, juste la vision d'Alex. Et ma vie se trouve sous mes disques scellés. Quand ça se bat pour un nom sur un street CD, à croire que c'est la gloire et on oublie de céder, de s'unir pour voir leur politique céder, de pouvoir promouvoir un tas de types fêlés, des petites traînées autant que des flics zélés, des virages serrés et des pare-brises fêlés, maquillés, hein, à travers un clip TV. Trafic de pur CC dans les kits sur PC. 50 ans et ça s'invente une vie sur PC. À l'heure qu'il est, j'écris ça, c'est pas du bluff dealé. Comme les pin-up stylés, là au fond d'un club privé. Si on propose un CDI, sortez, il fournit le CV. C'est pour siphonner du JB, rédiger des PV. Ça va trop vite et je suis en train de piloter un TGV. Les passagers ne sont ni BCBG ni PDG. Et y'a plus rien à piger, mais je vais pas rester figé. Quand les dirigeants voudraient tous nous diviser, la misère à bon dos demande aux ONG. J'ai jamais rendu des comptes au patron des ING. J'ai pas de pompe à cirer, ni de canon scié. Pas de contrat signé, pas de salaire assuré. Je te dis ça, je me rappelle combien ma mère a sué. On a un combat à livrer, on se doit d'assumer. Je suis pas venu brutaliser, ni faire la pub d'Alizée. Je représente l'humanité sans culpabiliser. Entre la ruralité et les villes urbanisées, combien ont confondu la vie et la virtualité. Et y'a pas besoin d'être opticien pour visualiser. Les terroristes ont pris soin de l'actualité. L'intox a giflé l'info au fond du JT. Alors qu'il est, y'a tant de choses qui me font cogiter. Mais ne me dites pas que c'est ça le monde civilisé. C'est pas mon esprit qu'ils viendront coloniser. Eh non, c'est pas demain qu'ils vont me robotiser. Je me suis pris en main et j'attends rien des autorités. Juste la vision d'Alex à l'heure qu'il est. Juste la vision d'Alex à l'heure qu'il est. Si tu avais tout le temps que je possède sur cette horloge, que choisirais-tu d'en faire? J'arrêterais de la regarder. Je peux te dire une chose. Si j'avais autant de temps, je le gaspillerais pas, c'est sûr.